Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la baraka ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Cette nuit, je me suis bien marré humaine dans l'investiture et j'ai prêté chèrement ma voix au plaisir sur l'Holy Bible et le Waterbed. Mais bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, comment dire, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 21 se présente sous la forme d'un maître. Foutre Dieu, un maître seulement ? Mimimati ou Passepartout ? Ni l'un, ni l'autre. Écoutez bien, comme d'habitude, je vous la fais en trois briques. Attention, c'est parti. Quadrille. Quadrille ? Escadrille, Tanguy et la Verdure. Non, grave trop pas. Allez, on poursuit, attention, deuxième brique. Versailles. Versailles, versatile. Non, ne me dites pas que c'est Bernard Kouchner. Ah non, non, là, il nous aurait fallu 800 000 briques. Bon, surtout que nous sommes pas Omar Bongo. Vous vous rapprochez pourtant, puisque nous restons dans le grand théâtre. Allez, attention, dernière brique, dramaturge. Ah, ok doc, un dramaturge qui quadrille Versailles pour nous le compter. Le ministère analyse donc ce matin le maître Sacha Guitry. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de ce facétieux provocateur nombriliste. Maniez-vous le train, les brigadiers ! Frappez les trois coups et apportez au labo le dossier de monsieur Guitry ! Allez, Sacha ! À table ! Il n'y a pas de préméditation dans mon cas. Je raconte une histoire assurément tragique, avec le secret espoir qu'elle intéressera le public et constamment le fera rire. Et si nous avons, nous, auteurs dramatiques, des devoirs à remplir à l'égard du public, il m'apparaît que le plus pressant de tous serait de développer en lui le goût de l'ironie et le sens de l'humour. Eh oui, monsieur Guitry, nous sommes bien d'accord. L'humour et l'ironie sont deux vertus qui nous sont plus que jamais indispensables. Certes, seulement votre goût de la provocation, cher monsieur, nous a conduit à considérer que vous ne prenez jamais rien au sérieux, ce qui nous inquiète vivement. D'ailleurs, commençons par écouter ensemble la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous tarabuste au cœur de la structure mentale de notre patient. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tracasse le plus chez Sacha Guitry, c'est qu'il fut constamment dézingué par la critique. Mais aujourd'hui, sachez qu'il demeure le seul parmi les dramaturges de son époque dont on joue encore les pièces un peu partout en France. Et que dire du succès des ventes en DVD de son œuvre filmée ? Du coup, la problématique est la suivante. L'esprit caustique de Sacha Guitry serait-il terriblement moderne ? Qu'en dites-vous, maître ? Oui, mon ami, ce sont mes souvenirs, mes mémoires que j'ai écrites. Et savez-vous ce que je suis en train de dire en ce moment ? Eh bien, je suis en train de dire du bien des gens riches. Oui, sans... comprenez-moi bien. Ce que j'appelle, moi, les gens riches, ce sont ceux qui dépensent leur argent et non pas ceux qu'ils gardent. Pour moi, l'argent n'a de valeur que quand il sort de notre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. Le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs, c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serai d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque. Parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Contraindre les fortunés à dépenser leur oseille, voilà une idée fort séduisante, n'est-ce pas ? Cela dit, L'exigence de notre ministère nécessite, bien entendu, une analyse plus approfondie des sarcasmes de notre patient. Ainsi, durant 53 minutes, essayons, chers amis, d'éplucher ce dossier Guitry afin d'établir ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de ce saltimbanque narcissique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, et sois le bienvenu. C'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de ce patient sardonique par une mélodie frénétique orchestrée par ce curieux trio lunatique. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Nous propose de secouer nos plumes rectrices, nos plumes de la Reddit Charles, bien sûr. Parmi les auteurs que vous appréciez, il en est un dont je voudrais que vous parliez. C'est Sacha Guitry. Ah, Sacha Guitry, moi, Sacha Guitry m'a toujours enchanté. Voilà. Tout en me rendant compte que, n'est-ce pas, c'est un esprit, enfin, facile, souvent. Oui, vous dites de lui, il ne veut que nous distraire. Ouais. Et c'est justement ouais. cela dont vous lui savez gré. Oui, il y a une pièce. Qu'on jouait, une pièce qui s'appelle Les Deux Couverts, la Comédie Française, que j'ai écrit. Si M. Sacha Guitry voulait s'en donner la peine, cette pièce prouve qu'il pourrait donner une grande pièce de caractère. Et à ce sujet, vous parlez même de Molière. Ouais. La comparaison qui a dû beaucoup flatter ouais. Sacha Guitry. Avant tout, le ministère psychique est ravi de cette introduction dramatique que nous offre ce matin l'éminent professeur Paul Léoto. Dans ses entretiens avec Robert Mallet, une analyse juste à propos pour ouvrir cette nouvelle session psychique consacrée ce matin au maître dramatique Sacha Guitry. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché dans les expériences de vie de M. Guitry tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychotiques profondes. Oui, quelle est donc la construction de la structure mentale de l'égocentrique Sacha Guitry. L'incroyable Sacha Guitry est né à Saint-Pétersbourg en 1885 dans un cadre familial imbibé de l'élite théâtrale et culturelle de la fin du 19e siècle. Son père, Lucien, est alors l'acteur le plus renommé de son époque et l'entourage familial s'appelle Claude Monet, Tristan Bernard, Octave Mirbeau, Sarah Bernard ou encore Georges Feydeau. Alors bien sûr, quand on est le fils de Lucien Guitry, c'est génétique. On est forcément un grand acteur. Ah, le fils était mauvais acteur. Alors le fils n'était pas un acteur. Le fils a été bon dans les actes, dans ses pièces. Dans ses pièces, moi jamais Sacha Guitry n'a touché un rôle. Quand il a essayé, c'était mauvais. C'était vraiment. Il a essayé une fois ou deux, c'était très mauvais. Mais tu sais qu'il a été chez Sarah Bernard dans le temps, étant tout jeune. Ah oui. On lui donnait, Sarah lui donnait des tout petits rôles parce qu'elle était l'amie, la grande amie de son père. Mais elle disait toujours à Sacha, n'est-ce pas, mon petit Sacha, il faut faire autre chose. Il était mauvais acteur, il n'était pas doué. Pourquoi vous voulez faire du théâtre? Parce que j'aime bien le théâtre. Bien. Vous allez... C'est une sorte de tradition ici. Nous commençons toujours par une sorte d'improvisation. Hein? Vous allez nous faire la naissance d'une fleur. La naissance d'une fleur? Exactement. N'importe quelle fleur. Celle de votre choix. Bah, si Guitry avait le théâtre à fleur de peau, il ne fut donc un comédien admirable que dans les pièces dont il était à la fois l'auteur et le metteur en scène. Car à travers ses œuvres, le maître Sacha Guitry a cultivé les clichés pour construire un incroyable personnage, autant sur les planches que dans la vie. Mais le ministère psychique a bien potassé le dossier et nous nous sommes rendus compte de la supercherie Guitry qui a profondément déformé la réalité. Par exemple, Sacha Guitry a toujours porté haut l'amitié comme une valeur indéfectible. Oui, bon, c'est vrai qu'il avait beaucoup d'amis, Sacha Guitry, mais avec une conception de l'amitié très personnelle. Un jour, j'ai parlé de Rodin comme cela pendant une heure à l'un de mes amis. Il m'a laissé parler et au bout d'une heure, il m'a dit « Oh, moi, tu sais, les hommes de génie, je m'en fous. » Ça m'a fait rire aussi, mais je m'obstine à croire que mon ami est idiot. D'autant plus qu'il s'est mis à critiquer Rodin, ce qui est tout bonnement insupportable. Ne pas admirer Rodin est un témoignage évident d'infériorité, et il est navrant d'avoir pour ami un être inférieur, mais ce qui est odieux, c'est d'entendre discuter un homme de génie par un homme inférieur. D'autant plus odieux que c'est toujours le même reproche qu'on lui fait. Formulé de la façon suivante, qu'est-ce que c'est que ces femmes sans tête, ces hommes sans bras, ces mains sans hommes? Qu'est-ce que c'est que ce sculpteur qui expose des statues qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas complètes? Oui, les gens ordinaires trouvent extraordinaire qu'on puisse exposer un corps sans tête, alors qu'ils trouvent absolument naturel qu'on expose une tête sans corps, c'est-à-dire un buste. Un buste, en effet, ne les étonne pas. Et volontiers, ils disent de lui comme il est vivant, bien qu'il soit aussi impossible de vivre sans corps que d'exister sans tête. Ah, ben oui! La tête est importante pour Sacha Guitry, qui se jette d'ailleurs tête baissée dans l'aventure théâtrale. Il écrit ses pièces à un rythme effréné et sa production est immense. 124 pièces et 36 films. Bien sûr, Sacha a profité bien entendu des conseils et des soutiens répétés de tous les amis de son daron Lucien. Mais cela n'explique pas l'ascension implacable de Sacha Guitry, dont le talent indéniable fut de répondre au bon moment aux attentes d'un public populaire, mais aussi d'une partie de l'élite. Sacha sait mettre en scène les misères conjugales et les plaisirs adultères de la bourgeoisie. Et sa propre vie, avec ses 5 mariages et ses épouses actrices, faisait partie à part entière du spectacle. Pourtant, le ministère psychique a bien regardé les coulisses, et en réalité, Sacha Guitry, dans le privé, avec les femmes qu'il faisait jouer, était loin de l'image qu'il voulait se donner. Viens t'asseoir sur le sofa avec moi. Juste une minute. Le sofa? Allez, viens. Oh, tu crois? Le sofa, oui, très bien. Le sofa. Si moi, je suis prête à me remettre à un metteur en scène, je suis prête à me donner à lui corps et âme. Oh, mais, attends, il faut que je te dise que moi... Personnellement, je crois à ça, mais pas pendant le travail, parce que j'ai jamais aimé mêler boulot et plaisir, parce que, enfin, tu vois, je me voue tout entier à mon art, et comme un trappiste, un moine, je pense que la meilleure façon de réussir un film, c'est de faire abstinence jusqu'à ce que le tournage soit terminé, parce que ça, tu vois... Quand je tourne avec un grand metteur en scène, comme toi, eh bien, il n'y a rien que je ne puisse faire sexuellement pour lui. Eh oui, Sacha Guitry était un grand metteur en scène, mais la réalité qu'il a toujours cherché à dissimuler, c'est son appréhension des femmes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ainsi donc, Sacha Guitry, le vrai, quand il n'était pas acteur et quand il n'était pas en représentation dans le spectacle de la vie, était très modeste. Tiens, par exemple, après un grand succès, on imagine volontiers un Sacha Guitry distant face au triomphe et comme un grand prince mondain arrosant au champagne toute sa troupe dans les salons cossus d'un restaurant de prestige. Alors que non. Ovation Ranvarais, Austerlitz, Stalingrad, Montélimar. Allez, à boire pour tout le monde. Du cul, du nichon, des gâteaux. Allez, chantez. Alors comme ça, vous n'êtes pas de la région? Non, pas franchement. Ah, la belle cité. Mais vous aussi, vous étiez très bien, hein? Ah si, moderne, neutre, très très bien. Tenez, je vous embrasse, vous êtes beau. Je vous embrasse, vous êtes beau. C'est ça aussi, Sacha. Eh oui, il ne faut pas se laisser rattraper par les clichés sur Guitry qu'il a lui-même construits et entretenus. Parce que Sacha Guitry n'a jamais vraiment vécu dans son époque et son compteur temporel est resté bloqué au temps de Portoriche et d'Anatole France. Pourtant, le monde change et il est parfois nécessaire de faire des choix. Ainsi, Sacha Guitry a été accusé de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. Il a même été arrêté à la Libération et a fait 60 jours de prison avant d'obtenir un non-lieu définitif et justifié. Bon, c'est vrai que Sacha avait continué ses activités mondaines et professionnelles pendant l'occupation. Mais bon, selon ses propres critères, il a été résistant. Monsieur Guitry, j'ai une table qui se libère dans 2 minutes dans la salle du fond. Oui, tu viens de rentrer. Robert ! Maître, excusez-moi, maître, un instant. Nous nous connaissons. Pierre-Jean Lamour. L'est-il ? Je vous ai remis le manuscrit d'une de mes pièces il y a un mois. Ah ! J'écris sous le pseudonyme de Francis Moser. Francis Moser. Mais bien sûr, Francis Moser, le redoutable critique de Je suis partout. L'auteur qui écrit avec un fusil mitrailleur, comme ses initiales le précisent. Mes initiales ? FM. À moins que vous ne préfériez fort médiocre. Votre table est prête, monsieur Guitry. Vous m'insultez, monsieur. Oui, mais moi je n'en fais pas mon gagne-pain, jeune homme. Oh, comment il a cassé ! Trop les boules. Il est quand même fortiche, ce Guitry, pour le bon mot, dont il se gargarise sans cesse, d'ailleurs. Pourtant, ce plaisir sadique de se mettre en valeur en rabaissant ses contradicteurs est une dérive psychique profonde chez notre patient. Et, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que ce monsieur Guitry peut être une menace pour notre société. Ainsi, pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Aussi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Oui, professeur Colin, le dossier Guitry est sans doute fort complexe, mais il est aujourd'hui très pertinent tant il souligne les orientations actuelles de notre société. D'aucuns parleront même de déviance sociétale. Écoutez, professeur, vous l'avez remarqué, c'est la mode. Les œuvres de Guitry sont jouées de toutes parts, de manière très conformiste d'ailleurs. Bon, c'est bien, c'est même très bien. Mais comment comprendre ce retour en grâce de Sacha Guitry ? Eh bien, tout d'abord, cette réhabilitation correspond à une volonté de renouer avec des valeurs sûres. Car pour un directeur de théâtre, monter le maître pour le mettre à l'affiche, c'est promesse de succès tant le maître est un maître étalon pour mettre les rieurs de son côté. Mettons un terme au maître. Et il est certain qu'en jouant du Guitry, on ravive la jouissance de l'esprit, on attire le public et surtout, surtout, on remplit la caisse. Sacha a donc retiré une épine du pied de bien des directeurs en difficulté. Une épine de cheval, bien sûr, où je suis très friand des bons mots comme Sacha Guitry. Alors, cette réhabilitation de l'œuvre guitrienne, et donc de Guitry lui-même, puisque l'homme et son œuvre sont intimement liés, cette réhabilitation, donc, n'est pas totalement anodine. Anodine nos chandelles, oui, vraiment, j'aime beaucoup les saillies comme M. Guitry, qui d'ailleurs était marié 5 fois. Alors, ce retour de Guitry, là, maintenant, aujourd'hui, comment peut-on le comprendre ? parce que c'est intriguant, ce renouveau de la fascination pour la représentation sans frein d'intérieurs bourgeois et luxueux. Cet étalage des atermoiements psychologiques de la bourgeoisie que le maître titille avec grâce et impertinence. Oui, le retour du théâtre de Guitry, c'est la nique à ces gitans de Madame Mnouchkine. C'est un pied de nez à ces absurdités du théâtre de Monsieur Beckett. Cependant, une petite remarque tout de même. Sacha Guitry est peut-être plus subversif qu'on ne le dit. Je ne m'étendrai pas sur les métaphores abusives entre l'œuvre de Sacha Guitry et le pouvoir actuel. Je pense bien sûr au roman d'un tricheur, au comédien, ou encore au mari, la femme et l'amant, des succès évidemment d'un autre temps. Guitry est subversif car il porte en lui une culture qui n'est plus soutenue. Par exemple, quant à la sortie d'une représentation du soulier de satin de Paul Claudel, Guitry a soupiré « heureusement qu'il n'y avait pas la paire ». Eh bien, on peut remarquer que le mot est cinglant, mais que Guitry connaissait bien Claudel, tandis que nos dirigeants actuels doivent trouver un tantinet élitiste une œuvre comme « Boing, Boing ». En effet, l'esprit de Sacha Guitry est bien loin de l'esprit d'entreprise qui domine aujourd'hui, voire de l'étroitesse d'esprit. Et quand justement, Sacha Guitry écrit dans l'esprit de Paris « Qu'être de Paris, ce n'est pas y avoir vu le jour, c'est y voir clair. N'est-ce pas là l'affirmation sublime du droit du sol ? Oui, bon, c'est sûr, comme théâtre contestataire, on a vu mieux. Hein. Parce que quand Guitry agite le politique, Sacha touille, et quand Sacha rit des bons mots, Guy triomphe. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre passion. Troubles nombrilistiques évidents. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera donc à trifouiller les déviances comportementales de Sacha Guitry qui, sans son esprit et sans ses bons mots, serait un peu comme... Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, quand t'es pas là. Je suis comme ça, comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône quand t'es pas là. N'existe pas comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mandat sans sa coupe. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racine, comme le théâtre sans racine, sur cette plage sans Aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte, la bébête qui monte. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Go! comme un manouche sans guitare. C'est ce que nous chante Thomas Dutronc, une perspective tout aussi peu probable et tout aussi triste qu'un Guitry sans cynisme. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert l'authentique structure mentale de notre patient, il est temps dès à présent, je crois, de nous arrêter quelques minutes sur un aspect fondamental de la psyché de Sacha Guitry, à savoir son rapport aux femmes. Avant tout, sache que notre patient narcissique se trimballe une sale réputation de parfait misogyne. Oui, à de nombreuses reprises, Sacha Guitry définit la femme comme un être perfide, auquel il faut s'amuser à mentir, nous dit-il, car ainsi, on a l'impression de se rembourser. Cela dit, nous pensons au ministère psychique qu'il faut fouiller un peu plus cet aspect du dossier et rétablir, semble-t-il, une vérité plus subtile. Voyons. Primo, beaucoup de ses détracteurs ont affirmé que la misogynie de Sacha Guitry provenait d'une incapacité à l'épanouissement sexuel. Eh bien, découvrons ce que répond à ce propos Madame Jacqueline de Lubac, sa troisième épouse. On a souvent dit que Sacha Guitry était plus à l'aise dans le discours que dans son rôle d'amant. Vous savez, j'ai toujours été très choquée des réflexions qu'on faisait sur Sacha à ce point-là. C'est assez délicat d'en parler. Mais je dois dire que quand nous avons commencé à nous rencontrer, Sacha étant surveillé par Yvonne Printemps, moi de mon côté étant exactement surveillée, nous avions quelquefois des rendez-vous un peu clandestins dans les allées désertes du bois. Et alors, Sacha me prenait contre lui, me serrait contre lui, m'embrassait, je trouvais ça charmant. Mais comme j'étais collée contre son corps, je me rendais parfaitement compte qu'il y avait un désordre. Donc, ce qui prouvait que tout était en ordre. Alors, je trouve que les réflexions qu'on a faites étaient très méchantes. D'ailleurs, j'avais 20 ans et j'aurais pas pu passer 7 ans de ma vie avec un homme qui n'aurait pas été un amant. Bon, première conclusion essentielle, l'attirail de Sacha semblait en parfait état. Alors ensuite, comment t'expliquer qu'un homme, soi-disant misogyne, se soit tout de même marié 5 fois en 50 ans ? Curieux tropisme à l'égard des fiançailles pour un gonze dont on suppute qu'il méprisait les femmes. Mais dis-moi, ne serait-ce pas plutôt le contraire? Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Oui, Sacha Guitry aurait sans doute incarné mieux que personne le héros de ce film de Truffaut, l'homme qui aimait les femmes. D'ailleurs, Guitry a souvent affirmé que la vie sans femme lui paraissait impossible, et qu'il n'a jamais été seul, car pour lui, la solitude, c'était être loin des femmes. En novembre 1949, il épouse Lana Marconi, sa dernière épouse, qui dilapida tous les biens et les collections du maître après sa mort, cette garce. Mais auparavant, en juillet 1939, ce fut Geneviève de Séréville. En février 1935, ce fut Jacqueline de Lubac. En avril 1919, ce fut Yvonne Printemps, la bien nommée. Et en août 1907, ce fut Charlotte Lisée, sa première femme, dont il faut dire ici quelques mots. Avant de rencontrer notre patient, Charlotte Lisée fut la maîtresse de Lucien Guitry, le père de Sacha. Bonjour le bordel. Résultat, après ce premier mariage, père et fils furent sévèrement fâchés pendant 13 longues années. Cela dit, après le divorce, il y eut réconciliation et désormais, plus jamais, Sacha n'oublia de partager avec son papa. Allô ? Ah oui, ah c'est toi vieux, salut Sacha. Bon bah dis-moi, je te téléphone parce que je suis avec deux filles terribles, je voudrais bien que tu viennes. Quoi, quoi, qu'est-ce que tu dis ? T'es avec deux filles terribles, là, dis, oh tu charries. Une blonde avec une queue de cheval et une routine. Une japonaise, oh sacré Sacha, oh je te reconnais bien là. Toute la nuit, oh, oh, oh, y en a une pour moi, hein. bon sang, où est-ce que je m'en trouve, Sacha? Articule, la rue, le nom de la rue, j'ai pas compris le nom de la rue. Sacha, Sacha. Oh, la vache, il a raccroché. Eh oui, à l'aube des années 1920, Lucien Guitry n'était plus très jeune, vois-tu. Et bien sûr, il avait parfois du mal à suivre les frasques nocturnes et libertines de son fils Sacha. Cela dit, tout au long de sa vie, le vieux lui aussi avait eu la passion dévorante des femmes. Ce qui nous fait dire que la psyché de Sacha ne fut qu'une reproduction génétique digne de son paternel, ce célèbre Lucien Guitry, qui d'ailleurs tenta de profiter des plaisirs charnels jusqu'à son dernier souffle, le 1er juin 1925. Salut les jeunes! Vous vous disiez, qu'est-ce que c'est que ce vieux con? Mais l'important, c'est pas l'apparence, bande de petits cons! Ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, nom de Dieu! Et je peux vous dire que les petits jeunes, vous pouvez aller vous rhabiller! Alors je recherche une petite copine de 20 ans, avec des petits seins fermes. On fera les fous en moto, on ira en boîte jusqu'à 23h, 23h30, et à minuit, pas de chichi, tous à poil sur la plage, et on fera l'amour dans toutes les pièces. Oh, le con. Oui, sache que Lucien Guitry est en effet mort d'un arrêt cardiaque, eh bien, désormais, tu en connais la raison. Mais bon, revenons plutôt à notre patient du jour, son fils Sacha, et surtout essayons de mieux cerner encore la complexité de son rapport aux femmes. Alors, afin de compléter cet aspect du dossier psychologique de Sacha Guitry, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelles furent les réelles origines de cette passion pour les femmes chez Monsieur Guitry. En préambule, je signale ici qu'en 1885, son daron Lucien fut engagé dans la troupe permanente au Théâtre français de Saint-Pétersbourg, où Sacha vit le jour le 21 février de la même année. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les curieuses relations que notre dramaturge boulimique a entretenues avec toutes les femmes de sa vie. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? 1892, Saint-Pétersbourg, Russie. Alors, dans le rôle du père omniprésent et formateur, je voudrais Lucien Guitry. Et dans le rôle du fils précoce et doué, je voudrais Sacha. Oui, très tôt, Sacha Guitry a su, grâce à son papa, faire la preuve de ses talents de comédien. D'autant que le bambin ne jouait pas devant n'importe qui. Lucien Guitry était un homme dont, chez qui la paternité était essentielle. Voilà pourquoi il a emmené son fils à Saint-Pétersbourg alors qu'il était tout gosse, et voilà pourquoi il l'a effectivement placé sur scène devant le tsar. Oui, déjà à la fin du 19e siècle, certains s'étaient lancés à la recherche de la nouvelle tsar. Mais les liens entre Sacha Guitry et la Russie sont encore plus étroits que cela. Car en plus d'être baptisé Sacha en l'honneur du tsar Alexandre III, Sacha Guitry va avoir la révélation lors d'un second voyage à Saint-Pétersbourg en 1910, où sévissait à cette époque un certain... Oui, l'être mystique qu'était Rasputin va devenir l'exemple à suivre pour Sacha Guitry. Et le dramaturge ne va pas hésiter à user des mêmes pouvoirs d'hypnose auprès d'un certain public. Soyez sans crainte, tout se passera pour le mieux. Je ne m'étais pas encore aperçu qu'il est impossible de résister à votre charme. Voilà qui est mieux. À présent, mon chaton, parle-moi un peu de ma personne. Vous êtes grand. Continuez. Et votre barbiche est tellement entortillée. Bon, après ça, tout le monde connaît le bonhomme. Et vas-y que je te collectionne toutes les pépées de France et de Navarre. L'effet regard qui tue à la Rasputin s'exporte bien en effet. Mais à force de fréquenter n'importe qui, les reproches tombent et c'est en 1944 que Sacha Guitry va devoir s'en défendre. Alors qu'avez-vous à dire pour votre défense ? J'ai été attaqué, je me suis défendu. Je ne fais pas allusion à ceci. Cette affaire regarde les autorités civiles. Je parle de votre conduite, de votre attitude libertine, vos beuveries et vos sorties avec des femmes. Lorsque je vais à confesse, je n'offre pas à Dieu de misérables et mesquines petites rancœurs. Mes péchés valent la peine d'être pardonnés. Comment osez-vous blasphémer ? Vous recevrez une sévère pénitence. Et la punition fut lourde. Tel un Rasputin errant, Sacha Guitry va lui aussi connaître sa traversée du désert. Mais le scénario changera légèrement quand, tout comme son modèle, il verra la Vierge. Oh Marie, mon petit chou. Oh mon petit lapin. C'est à pleurer tellement t'es belle. Tu vois, j'ose même pas toucher. Oh, tu es très belle, tu es vierge. Oui. Oh non. J'abande. J'abande. Ah, je renais. Ah, je revis. Oh. Oh non, tu es de bordel de merde. Je veux que pendant des siècles et des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu. Ah, l'ego. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions sincèrement l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête sur les influences de Rasputin dans les rapports complexes et soi-disant misogynes qu'a entretenu Sacha Guitry avec les femmes. Alors, pour clore ce chapitre, notons tout de même que le plus grand amour de Sacha Guitry fut assurément son pays, la France. Seulement voilà, encore une fois il s'est trompé, car comme chacun sait, il arrive bien souvent que l'amour conduise à l'aveuglement. 1429 à 1942, c'est-à-dire de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, c'est-à-dire 500 ans d'histoire de France. Tel est le titre du livre magnifique dont nous avons le privilège d'être aujourd'hui les premiers lecteurs dans le cabinet de travail de M. Sacha Guitry, qu'il a conçu, composé et commenté. À dire le vrai, c'est plus qu'un livre d'histoire surtout. C'est la somme des efforts, des joies, des déceptions, des souffrances, des victoires, de ceux et de celles qui, par la plume, par le pinceau, par les bouchoirs ou par l'épée, ont fait la France. Sur la page de garde, les signatures autographes des principaux collaborateurs s'inscrivent. Pierre Benoît, Paul Valéry, Abel Bonnard, Colette, Jean Cocteau, Abel Hermand, Duhamel, Utrillo, Dunoyer de Ségonzac, Mayol, Dignimont, Naudin, etc. L'ouvrage était souscrit dès avant sa parution à 25 000 francs l'exemplaire au profit du Secours National. Alors, après avoir découvert quelle fut la véracité des rapports de Sacha Guitry avec les femmes de sa vie, et je crois qu'il faut adoucir sa misogynie, eh bien essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de sonder les influences contemporaines des obsessions névrotiques de notre redoutable patient sarcastique. Car il est évident, devant l'immense postérité que connaît encore aujourd'hui l'œuvre de notre patient, que sa psyché revêt une incontestable modernité. Et, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. En effet, une fois de plus, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaugelet, a tenté d'expertiser les échos des saillies de Sacha Guitry au cœur de notre histoire récente. Alors, professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons combien les névroses littéraires de notre patient comédien ont inspiré l'un de nos plus hauts dignitaires républicains. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je suis certaine que chacun de nous pourra tirer un très grand profit des enseignements d'un homme de sa valeur. Oui, j'ai étudié toute son œuvre. Il a une grande clarté d'esprit. Je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses. Vous êtes là devant la télévision et il faut parler à quoi 10, 12, 15, 18 millions de gens. Confidence de personnages, spectateurs et rien de plus. et vous êtes tout seul. Vous voulez parler de choses précises. Vous disposez d'un temps limité. Mais sitôt que quelqu'un apparaîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Le secret, tout le monde le sait, c'est d'être soi-même. C'est très difficile d'être soi-même. À travers le tamis et de ces machines, de ces journalistes, de ces personnes. Vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple, car ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour, ils en abuseraient peut-être, et je préfère en tout cas m'en réserver le privilège. Oh, je déteste ces consultations gratuites. J'ai pourtant étudié très attentivement les problèmes passionnels. Quel est celui de vous qui m'imitait là tout à l'heure? Moi, je ne me froisse jamais des propos qui pourraient me heurter dès lors qu'ils proviennent de l'esprit que je sens à mon égard, bienveillant et ouvert. J'ai déjà entendu cet argument dans la bouche d'aimables et galants psychiatres qui tous désiraient améliorer ma connaissance de la médecine. Oh. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Madame Edith Cresson, qui a montré partout compétence et caractère. Enfin, à la plupart des hommes, à ceux de mon espèce, tenez. M'est apparue comme la plus apte à diriger ce gouvernement, puisqu'il s'agit d'atteindre l'objectif que j'ai fixé. C'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Mes chers compatriotes, moi, j'ai confiance. On a peine à imaginer ce que sera la maison sans vous, monsieur. Vous ignorez un axiome essentiel de la science. Les vieux doivent faire place aux jeunes. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. Chers amis, je fais aujourd'hui en sens inverse le chemin parcouru il y a 14 ans. J'étais allé chez moi, je suis passé par le Parti Socialiste, je suis allé à l'Élysée, j'arrive de l'Élysée, je rentre chez moi et je m'arrête au Parti Socialiste. Quel esprit, quel talent! On aurait dit du Guitry, mais c'était du Mitterrand. Cela dit, attention, Sacha Guitry a dispersé son héritage bien au-delà de la sphère politique. Au théâtre, bien sûr, mais aussi à la télévision. Car vois-tu, notre patient tragicomique avait immédiatement pressenti que dans ce théâtre de l'instant, que sont les médias de l'immédiat, comme le dit Jean-Paul Fargier, il pourrait explorer de nouveaux terrains de jeu pour sa formidable maestria de metteur en scène. Et bien qu'il fût né à la fin du 19e siècle, sache que Guitry s'est bel et bien frotté à la télévision. Et notamment le 5 décembre 1955, en direct, lors du final de 36 chandelles, la célèbre émission de Jean Nohain, où Guitry fit sauter une centaine de bouchons de champagne au rythme d'un Charles Trenet qui chantait en direct « Que le champagne fasse boum !» Magnifique, bien sûr. Mais dis-moi, à quoi pourrait bien ressembler la télé produite par Sacha aujourd'hui ? Bonjour, bienvenue au télé Sacha. Bonjour Mahmouda. Bonjour Sacha. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une machine à boire de café révolutionnaire et non moins facétieux. C'est vrai, Sacha. C'est une machine d'un nouveau calibre que vous allez nous présenter tout de suite. S'il vous plaît, Sacha. Cette machine, Mahmouda, a la particularité d'offrir un design économique et social. C'est ça, Sacha. Donc cette machine, Mahmouda, offre un design facétieux, écologique et néanmoins sexy. Professionnel. Oui, la télé devrait s'inspirer un peu plus de Télé Sacha, car il est évident que la créativité du maître Guitry, dans ses formes d'expression et de narration, n'est pas franchement à l'ordre du jour dans notre petite lucarne contemporaine, Télé Fadas. Et il faudrait tout de même un peu plus d'audace, de tempérament et de caractère parmi les décisionnaires. Ce qui demeure parfois le cas dans l'industrie du cinéma, où là aussi, l'exigence de Sacha Guitry a fait quelques petits. Elle recule la mère, elle avance. J'ai posé une question qui m'a jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui, je m'en vais. C'est fini. Mais vous savez pas ce que vous voulez, non, vous êtes tu pas sais, foutu. Tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordel à nique. T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Ah, ce Jean-Pierre Mocky. Sans doute a-t-il un pet au casque, cousin éloigné de celui de Guitry. Par ailleurs, qu'en est-il de la radio? Eh bien, figure-toi que le 29 décembre 1929, c'est Sacha Guitry qui fut choisi par la Radio Nationale pour inaugurer un émetteur destiné à porter la voix de la France jusqu'aux States. Eh bien là encore, Le moment fut d'une modernité renversante. Oh, I'm very happy to meet you. Allez, viens, la voiture est avancée. Yes, I'm very, very, very, very, very happy to meet you. Voilà. Fous ton merdier à l'arrière. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu apprendre en anglais. Pose ton sac à l'arrière. Je comprends mal votre question et je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Est-ce une allusion que vous faites à la manière dont je m'exprime, un peu peut-être cavalière, comme je suis un vieux soldat, c'est possible. Non, non, non, non, non, non, non, non. Tu le poses tout seul, ton sac, et en vitesse. Il n'y a pas marqué porteur. Mais vous mettez notre entretien sur un sujet qui me chiffonne. T'es qu'un gros naze. Tu sais ce que c'est, un gros naze? Mon éducation fut un peu plus que négligée. Je parle mal et dans le fond, je ne sais rien. Autrefois, je m'en foutais bien. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je m'en moque. Pardonnez-moi. Ouais, bah toi, t'es le roi des nazes. Puisque vous avez mis le doigt sur cette plaie, voulez-vous, s'il vous plaît, réaliser mon rêve, me prendre pour élève et me donner quelques leçons, vous qui parlez d'une façon si délicate et si fleurie? Tu veux que je te batte le cul? Oui, faites ce prodige inouï. Parce que c'est moi le roi dans ce domaine. Oh, je me suis mal fait comprendre. Et ce n'est pas l'anglais qu'avec vous je voudrais apprendre. C'est le français. Oui, je voudrais me corriger des fautes qu'en parlant je fais. Ah, je comprends. Vous avez l'intention de me prendre pour un idiot. Vous croyez que je suis idiot? Sans vouloir vous faire de peine, vous parlez peut-être l'anglais moins purement que le français. Mais si je suis obligé, je te botterai le cul. Je ne sais pas si les Anglais parlent l'anglais correctement. Mais je suis sûr que nous, Français, nous parlons n'importe comment. La politesse, ça aurait été d'éviter mes couilles. Non, et pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque, mon Dieu. Mais je me suis juré que jamais, dorénavant, je ne prononcerai ce mot, et je veux tenir mon serment. On fait la paix? C'est un mot qu'on n'admet pas, mais qu'on tolère quand on le dit dans la colère. Merde! Oh, ouf, le voilà. Tant mieux. Ah, je n'en pouvais plus. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est moi qui représente la loi. Alors la prochaine fois, j'espère bien que ce sera plus propre. Et brossez-vous les dents. T'imagines, Sacha Guitry, auteur et producteur à Hollywood. On aurait bien aimé voir ça, bon sang. Mais bon, pour finir, revenons par chez nous et ouvrons l'écoutille d'une cellule capitonnée du ministère psychique où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même, trépané deux fois, et que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques guitriesques. Alors comme d'habitude, c'est complètement barjot, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, je t'aime bien Sacha Guitry, tu causes comme ça. N'écoutez pas mes dames. On dirait Dark Vador qui aurait sniffé de l'hélium. Ouais, nous deux, on est pareil. Tu as fait le film « Si Versailles m'était compté », moi j'ai écrit « Si le Gruyère m'était compté ». C'est pour les mentales. Pareil quand même, pendant le cube, tu t'es pas bien comporté, mon salaud. T'es pas malin, tout le monde t'a vu. T'avais gaulé le chapeau de Jean Moulin. Et avec les gonzesses, hein, t'assures, Arthur. T'es pas miso, t'as rien contre, hein. Ou alors, tout contre. Quand tu vois une meuf, sa charrue comme un bœuf, tu les charmes avec ton boniment, elles sont hypnotisées et tombent comme des mouches, à la louche, dans ta couche. Ah, tu sais y faire, vieux serpent à sornette. Et après, tu les emballes comme des cartons, à part Pauline, qui était plutôt un ton. Ah, vieux Grigou, sacré ambianceur. D'ailleurs, on dit de toi dans tout Paris, quand le maître voit une belle femme, ce n'est plus Sacha Guitry, c'est Sacha qui trique. J'suis trop con. Watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! We'll be right back. c'est Madness qui nous propose de faire un pas en avant. Mais attention, de ne pas en faire deux en arrière, même si cette danse est à la mode aujourd'hui. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques autour d'un dossier dramatique et, durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point le maître Sacha Guitry demeure encore aujourd'hui une menace pour notre société. Et oui, parce que Sacha a écrit, et on le lui a reproché, un ouvrage intitulé 1429-1942 de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. Et si Sacha était encore aujourd'hui physiquement parmi nous, n'aurait-il pas cherché à en rédiger la suite, intitulée sans doute « De Philippe Pétain à... » Bon, alors vite, changeons de sujet. Est-ce qu'il admirait son père, sûrement? Ah, une très très très grande admiration. Quant au père, il aimait aussi Sacha pour lui. Tu sais, il écrivait des articles ridicules. Un jour, un article ridicule dans je ne sais quel journal. Et l'article se terminait ainsi. « Mon Sacha, après ta mort, quand tu monteras au ciel, car il n'y a pas de doute, le bon Dieu te dira « Bonjour, Sacha », et il te mettra à côté de Molière. Et voilà, le ministère psychique décide donc que Sacha Guitry doit rester assis à côté de Molière, car tous les deux, au paradis des auteurs dramatiques, observent sans doute Éric Emmanuel Schmitt en lui souhaitant une très longue existence terrestre. Allez hop, foutez-moi le camp, Guitry, et sortez côté Jardin d'Éden. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, nous y sommes, c'est la fin de la 21e consultation du ministère psychique consacrée ce matin au maître Sacha Guitry. Cet interlude foutraque fut coécrit, comme chaque semaine, par Xavier Mauduit, cela va de soi. La mise en onde en fut réalisée par le maestro Marco Mutel aux manettes et qu'il en soit glorifié. Bertrand Durand a assisté le réalisateur, qu'il en soit remercié. La préparation de l'émission fut l'œuvre de Flora Bernard, d'Yvan Beaujolais et de Claire-Sophie Collet, et c'est tout dire. Pour la programmation musicale, il faut remercier Thierry Dupin pour les idées complémentaires. C'est Olivier Lefayère. Pour la stagiaire, c'est Marie Berthoumieux. Et pour notre voix off, c'est Julien Dugast. Il faut également remercier chaleureusement les formidables documentalistes de l'INA, bien entendu. Enfin, pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sache enfin que le ministère psychique te mit loup à la bouche et t'annonce que la semaine prochaine, notre patient sera Tintin, mille sabords. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de la panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao! Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?